Voici votre plus récent bulletin d'informations de sport local et régional, au microphone d'Annie Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport en parlant des Saguenay de Chicoutimi qui ont remporté une belle victoire hier à Drummondville. Les Saguenay qui l'ont remporté 3-2 contre la formation des Voltigeurs. À noter dans ce match que Dimitri Zoukenov a marqué un but de passe et également German Rutsoff qui a également marqué. Joey Ratel a amassé deux passes dans la partie. Comme à tous les mercredis, je vous donne le classement POC selon le site internet classementpoc.com. Les Rapides de Dolbeau-Mistassini sont au 12e rang, les Hurricanes de Mastuyach au 17e rang et les Ambassadeurs Pogamo au 89e rang. Au niveau midget, le Marcos Pop de Saint-Félicien est en 2e position et les Ambassadeurs de Pogamo sont en 32e place. Donc, s'ils complètent le classement POC selon ce site internet qui sert à déterminer quelles sont les équipes au niveau provincial, le classement. Parlons maintenant de Cédric Desjardins des Marquis de Jonquière. Il a été nommé la deuxième étoile de la semaine dans la Ligue nord-américaine de hockey. Au cours de la dernière semaine, Desjardins a maintenu un pourcentage d'arrêt de 967. Il a contribué grandement à la victoire des Marquis contre Thetford, 6-1 et 4-1 contre Rivière-du-Loup. Hier, dans la section entrevue de DanRadioSport.com, on a parlé avec Laura Guénard de Boumsesni qui a très bien représenté la région lors des championnats canadiens qui se déroulaient en Colombie-Britannique. On parle évidemment de curling. Et Laura Guénard mentionne que l'équipe a montré beaucoup de caractère, surtout dans un match en particulier. On a montré beaucoup de caractère durant cette partie-là parce qu'on a tiré de l'arrière tout au long du match. Puis à la fin, l'autre équipe pensait avoir réussi à nous battre, mais finalement, on a montré du caractère et on est revenu en force pour gagner la partie au dernier bout. OK. Qu'est-ce qui reste parce à faire? Ben oui, qu'est-ce qui reste? Dans le deuxième temps, ben, Laurent Guénard mentionne qu'il n'a pas nécessairement manqué d'expérience lors de ce match. C'est un match en particulier qui a fait la différence. OK. Je pense que c'est une partie qui a tout changé, comme notre dernière partie contre la Nouvelle-Écosse. Je pense que il aurait fallu arriver plus près, plus préparé mentalement pour commencer ce match-là en force. On a eu de la difficulté à commencer la partie, donc je pense plus que c'est de ce côté-là qu'il aurait fallu forcer. Maintenant, on va parler maintenant des Jeux du Québec qui seront présentés au cours du prochain mois. Les billets se sont envolés en moins de 25 minutes sur le site Internet des Jeux pour la cérémonie d'ouverture et la cérémonie de clôture. Donc, s'il y a des gens qui veulent visionner la cérémonie, ben, ce sera toujours possible de le faire sur le site Internet des Jeux du Québec et également sur la TV Cogeco d'Allemagne. Le sport local et régional, à DanRadioSport.com, on s'en accueille.